marcher dans le sens inverse des aiguilles de la montre hémisphère. Pour savourer vos craintes, les étreintes n'arrivent qu'assez tard dans la vie. À l'écart des non-dits, rien ne peut être démoli. Rêvant qu'un jour on vienne m'envier, que l'on vienne regretter quand on m'attend dédaigné. Je me rappelle de jugements négligents, de ces gens méprisants, rien de plus dévalorisant. Les Judas qui se disputent, qui ne ratent pas une occasion. Vous mijotez à petit feu, surdité par déflagration. Oui, je me souviens de vos belles paroles, de la confiance un peu folle que je vous ai laissée. Rien ne vaut cette ascension. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Comprends-tu qu'aujourd'hui rien ne peut m'arrêter? L'impatience est une folie que je cherche à dompter. La souffrance révèle notre vraie nature. Mon esprit essaie de me noyer dans mes peines. Je ne peux rien me reprocher, avant tout j'ai essayé. Et voilà que je sens mon harmonie s'installer. Exilé de tout, juste moi le monde et personne d'autre. Irritation peu rassurante, progression juste logique, mécontentement pathétique. Les échelons à vitesse grand V, je lève mon verre et trinque à ce monde qui m'a déjà gavé. Les médias bavés propagent de la merde, m'outrage de la tête et j'en passe des plus belles. Et puisqu'on évolue, nos regards changent, nos démons dansent vu qu'on augmente le volume. On se prend trop la tête, pendez pas coutille. Si l'ascenseur de ta vie est bloqué, n'appelle pas Otis. On vit dans des lotissements délabrés, à en perdre la confiance comme un flic désarmé. Mais n'oublie pas ce qui tue pas rend plus fort. Blessé par le vécu, c'est pour ça qu'on pète la forme. Le respect par la force, le bonheur par la fenêtre. Fais pas la tête, la France c'est un petit confort. Anticonformiste qui vise le cash vite, quitte à braquer casse-prix. Enfermé dans ma bulle, quand j'ai bu, j'abuse le regard dans la brume. J'accuse le coup, l'ascension est plutôt logique. J'avance à la vitesse de la technologie. C'est les chroniques d'un mec à part chaque page de ma vie. La tête dans les nuages quand j'arpente ma ville. Alors oui monsieur dame, on n'est pas des modèles. On avance dans le calme sans se démonter. Irritation peu rassurante, progression juste logique, mécontentement pathétique. La vie est rude et les gens sont pas mieux. Ils te poussent à la chute et à fermer les yeux. Ne sois pas lâche ni crédule, reste déterminé pour ne pas toucher le crépuscule. Il y a la peur de l'inconnu mais te laisse pas submerger. Puis vient les raisons méconnues, ton but vient étranger. Dis-toi que pour l'atteindre il faut de la volonté, de la hargne, du temps pour atteindre l'apogée. La roue tourne et la vie suit son cours. Si t'as pas de hier, essaye au moins de jouer les soirs. Vise la lune, sois confiant dans ton âme à l'insouciance. Pour une fois, fais preuve de prudence. Dis-leur que personne peut t'arrêter. Convainc-toi que ce que tu dis n'est que vérité. Montre-leur ta détermination. Grâce à ça, ils ne pourront cesser ton ascension. Dis-leur que personne ne peut t'arrêter. Convainc-toi que ce que tu dis n'est que vérité. Montre-leur ta détermination. Grâce à ça, ils ne pourront cesser ton ascension. Irritation peu rassurante.